Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le grand Antonio, homme fort et personnage plus grand que nature. Moi, quand il y avait 4 autobus à Tokyo, avec tout le monde dedans, de la ville de Tokyo, il y avait 5,5 millions de personnes un soir. Il y avait tous les journalistes qui étaient là, toutes les télévisions étaient là. Alors, ça veut dire que je suis plus populaire que le pape. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le grand Antonio était un sacré personnage, comme en témoigne d'ailleurs cet extrait tiré du documentaire « Le dernier des bons géants », un documentaire réalisé par Annie Boudin et Roger Quentin en 2003, l'année même de sa mort. L'histoire du grand Antonio est celle d'un homme dont les exploits attribuables à sa force physique vont résonner, vous l'avez entendu, jusqu'au Japon. Mais son histoire, c'est aussi celle d'une célébrité oubliée qui va finir ses jours dans la pauvreté. Now, ladies and gentlemen, the great Antonio Singh. Musica maestro. Ma pourquoi donc tu as brisé ma corps? Ça faisait longtemps que l'idée de travailler sur la légende d'Antonio nous trottait dans la tête. Puis, quand il est venu le temps de faire le dernier album, on s'est demandé, on essayait un peu de changer notre point de vue sur les contes et les légendes du Québec. Ouais, ouais, ouais. Puis pour nous autres, ça nous est apparu évident que la prochaine, celui qui était en passe de devenir une légende, ben c'était Antonio, c'était clair. Là. Une manière de Jean Beaupré des années 2000. T'sais. Moi, je l'ai vu, je ne sais combien de fois, mais quand j'étais petite. Mais petite, là, je venais passer des vacances à Montréal. Bon, je voyais cette espèce de personnage-là, mais irréel. Hein? Sur la terre, v'là des années, on l'a vu à la télé, en des jours bien plus heureux, il excitait les curieux, en tirant des autobus avec ses cheveux, avec ses cheveux. Mais l'homme le plus fort sur terre a sombré dans la misère, le jour où sa petite fleur a brisé son trop grand cœur, en lui disant je te laisse, oh quelle douleur, pour un lutteur, le grand homme. Sur la chanson Antonio du groupe Mes Aïeux, vous entendiez Stéphane Archambault au micro de Monique Giroux en 2009 pour nous raconter le très singulier destin du grand Antonio, Anton Baricevich de son vrai nom. Je reçois Hugues Théoret, qui est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Hugues Théoret, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. On a déjà fait une émission ensemble, Hugues Théoret, sur Joe Monferrand. Vous nous aviez parlé à ce moment-là d'une espèce de tradition de l'homme fort au Canada français. Où est-ce que vous le situez, le grand Antonio, dans cette tradition-là? Quelle place il occupe, Antonio, parmi les hommes forts qui ont marqué notre imaginaire collectif? En fait, le grand Antonio était bien différent de Joe Monferrand. Je le situerais plutôt dans la même catégorie que Louis Cyr. Oui. Mais bien sûr, à une époque différente, dans un contexte différent. C'est sûr, bon, Louis Cyr a œuvré surtout fin 19e, début 20e. Il touchait quand même des cachets importants pour ses performances, notamment aux États-Unis. Mais le grand Antonio n'a pas vraiment fait d'argent pendant toute sa carrière. On peut dire qu'il était toujours cassé comme un clou, mais il y avait tous les deux le sens du spectacle, hein, parce que le grand Antonio, c'est un artiste. C'est un homme fort, mais c'est un artiste. Et je dois dire qu'il s'inspirait un peu de tous les hommes forts qui ont eu du succès au Québec. On parle de Louis Cyr, mais j'ajouterais aussi, juste par les prouesses, les numéros de force qu'il a fait, les épreuves de force qu'il a fait, j'ajouterais aussi Victor Delamare et les frères Baillargeon. Oui. Donc, une tradition quand même dans laquelle il s'inscrit, et qui s'inscrit cette tradition-là dans la force, mais dans le spectacle. Vous faites bien de le mentionner tout de go. Il faut dire aussi, dans le cas du grand Antonio, que c'est, on l'a entendu dès le début de l'émission, un sacré personnage. Bien, tout un personnage. Écoutez, il aimait porter son tuxedo, comme vous l'avez mis en introduction, il aimait chanter des airs d'opéra italien. Bien entendu, par sa stature assez impressionnante, les gens qui l'ont croisé, je l'ai moi-même croisé au début des années 90, puis dans un petit restaurant sur Beaubien. 6 pieds 4, ça va, là, un peu comme Joe Monferrand, mais à 450 livres ou à peu près, là, assez impressionnant. Et surtout, sa longue barbe, ses longs cheveux, ses tresses qui faisaient jusqu'à 12 pieds de long à la fin de sa vie, puis on dit même qu'il portait des chaussures de pointure 28. Écoutez, je dirais, sans vouloir le dénigrer, c'était une bête de cirque, puis il en était fier, puis il jouait bien ce rôle-là parce qu'il était très excentrique, puis il avait aussi le sens du spectacle. Ouais. Puis c'est ce personnage-là, en tout cas, pour probablement pour les plus jeunes, on a en tête probablement davantage ce personnage qu'il était, puis on y reviendra, mais il a fini pauvre à errer dans les rues de Montréal, mais c'est ce grand gaillard excentrique, c'est ce personnage-là probablement qu'on a en tête davantage que ses tours de force physique, la plus jeune génération en tout cas. Parle un petit peu d'où il vient. Il y a un flou, il y a un certain flou, ça fait partie du personnage d'ailleurs, quand on parle du grand Antonio, il y a toujours, il n'y a pas juste une histoire officielle, il y a toujours différentes histoires. On dit qu'il serait né en 1925, très probablement en ex-Yougoslavie. Parlez-moi un peu de ses origines, parlez-moi aussi de la raison qui l'amène au Canada juste après la guerre. C'est ça. Donc, les recherches que j'ai faites, bon, on n'apprend pas beaucoup, mais son nom d'origine est vraiment Anton Baljevich, qui est né en ex-Yougoslavie, en Croatie, mais de parents serbes. Et c'est ça qui pourrait expliquer son séjour dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, parce que à partir de 1941, la Croatie était dirigée par un régime, les Ustachis, qui était un mouvement séparatiste croate d'extrême droite qui avait pris le pouvoir avec l'appui de l'Allemagne nazie. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont emprisonné près de 1 million de personnes d'origine serbe, juive, des Roms, des Croates qui étaient aussi pro-yougoslaves. Et malheureusement, Antonio s'est retrouvé dans ce groupe. Donc, une partie de ces gens-là, qui se sont réfugiés ensuite, qui ont été déplacés à Bagnoli, à Naples, en Italie, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est de cette façon-là qu'il a pu émigrer au Canada, qui est arrivé à Halifax en 1946, hein, au Quai 21, comme tous les immigrants qui arrivaient au Canada. Et après, il a pris le chemin de Montréal, où il a fait sa vie, finalement, passé toute sa vie. Ouais. Et petit à petit, donc, il se fait remarquer, il fait 36 métiers, mais il se fait remarquer pour ses exploits d'homme fort. D'abord, il amuse les collègues hein, pendant les pauses. Il se livre à différentes activités montrant justement ses prouesses d'homme fort. Et ça va devenir éventuellement pour lui son métier carrément. Il va s'illustrer de différentes façons. On va en parler dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter une espèce d'ode que lui a dédié le poète Jean-Paul Daou à l'émission de Marie-Louise Arsenault, « Plus on est de fous, plus on lit » en mai 2014. Je suis l'homme le plus fort du monde. Anton Baljevich. Ode le grand Antonio. À 10 ans, tu travaillais comme bûcheron, un extraterrestre en somme. Puis tu rencontres Jeannine Larue et c'est le coup de foudre. Tu t'amuses à tirer des autobus. En 1960, tu en as même tiré 4 remplis de passagers. Et ce record Guinness de 1952, quand tu as réussi sur une distance de 19,8 mètres, a tiré un train de 430... Moi-même, je suis ébloui de cet exploit. 433, oui, c'est ça, 433 tonnes sur une voie ferrée. Tu as brillé dans des arènes des États-Unis jusqu'au Japon, où tu étais si populaire, et tu as même affronté des ours dans ces arènes. Tu as été invité par Ed Sullivan ou Johnny Carson, où tu te pointais avec tes chaussures grandeur 28. Tu pouvais aussi soulever 6 camions d'une tonne chacun. Et tu es devenu célèbre grâce à ces films, La guerre du feu ou L'abominable homme des neiges. Alors, il y a un petit peu toute sa carrière résumée en quelques secondes dans ce qu'on vient d'entendre, une théorie, mais commençons par la portion carrément force physique, exploit que réalise le grand Antonio. C'est par là qu'il construit sa réputation. Comment la construit-il, cette réputation? Qu'est-ce qu'il fait? Bien, d'abord, comme je l'ai mentionné en introduction, le grand Antonio, les années 50, là, c'est une période là, faste en homme fort, c'est le début de la lutte avec l'arrivée de la télé en 52. Donc, les épreuves de force, c'est très à la mode au Québec. Hein. Puis, alors, lui, il est pas fou, là, il va voir ça. Puis, comme il travaille dans une cour de recyclage en échange d'un petit logement sur Beaubien, disons qu'il roule pas sous l'or, et comme il est très fort, bien, il va vouloir un peu imiter ce qui se faisait à l'époque. Avant lui, je l'ai dit, Louis-Cyr Victor de Lamarre, quand on regarde les prouesses, lever une plateforme avec des hommes dessus ou les prouesses de Louis-Cyr, il va un peu copier ça, mais il va s'inspirer aussi, je l'ai parlé, des frères Baillargeon de Saint-Magloire, dans la région de Bellechasse, qui eux-mêmes tiraient déjà des autobus. Donc, il a probablement vu les frères Baillargeon, à l'œuvre, puis qui avait un grand succès, puis il s'est dit probablement, ben moi, je peux faire plus, je peux aller encore plus loin, et c'est ce qu'il va faire, comme M. Daou l'a expliqué. Il va être cité dans le livre de record Guinness en 52, donc le train de 430 63 tonnes qui va tirer sur 20 mètres, c'est quand même incroyable. Mm-hmm. La voiture attachée à ses cheveux en 56, ça c'est particulier, c'est nouveau là. Les frères Baillargeon n'avaient pas fait ça. Avril 56, qui va traîner une voiture attachée à ses propres cheveux, des tresses auxquelles il ajoute des anneaux de métal afin qu'ils soient plus solides, donc ça ajoute au personnage. Et comme on l'a mentionné, bien sûr, sa grande prouesse, bon, il y a le train, mais c'est vraiment en 1960 quand il va établir un nouveau record en tirant 4 autobus. Il y a des vidéos qu'on peut voir je crois que c'est Radio-Canada qui avait filmé ça à l'époque, en 1960. 4 autobus à Montréal remplis de passagers qui va tirer sur la rue Sainte-Catherine. Mais il y a d'autres choses qu'on connaît moins. Il va aussi, par exemple, soulever d'un seul bras 12 hommes suspendus à un poteau de téléphone. Il fallait le faire. Et une autre chose vraiment intéressante à noter, on voit, et c'est tout lui qui faisait sa propre promotion. Je ne pense pas qu'il avait d'agent. S'il y avait eu un agent, disons-là, un Don King, comme certains boxeurs de notre époque, peut-être qu'il aurait été, il serait mis riche, le grand Antonio. Oui. Mais c'est lui-même qui écrivait. Par exemple, je donne un exemple, quand le pape va venir à Montréal, au Canada en 1984, il va écrire à Mgr Turcotte, qui est gouverneur de la visite du pape au Canada, pour offrir de tirer la pape mobile devant les caméras sur la rue Sherbrooke. Et il va écrire, j'ai retrouvé la copie, il va écrire au journal de Montréal pour se plaindre du fait que Mgr Turcotte va rejeter l'idée parce qu'il ne voulait pas que Antonio, le grand Antonio, vole la vedette au pape. Donc, ouais. Il se voyait comme l'homme le plus fort du monde. Mais aussi, comme je vous dis, c'était un show. Il donnait un show, il donnait un spectacle. Et après ça, comme il va faire, comme la plupart des hommes forts vont faire dans les années 50, 60, 70, ben ils vont se convertir comme lutteurs. Ouais. Ils ont à peu près tous fait ça. Lui, il va suivre le même chemin. Oui, puis il adorait, juste une petite parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire, donc cette tentative, cet appel de phare à Mgr Turcotte, imaginez le coup que ça aurait été pour lui de tirer la patte mobile. Mais il adorait ça. Quand il y avait une célébrité de passage à Montréal. Il y a une photo de lui, par exemple, avec Mère Teresa. Il adorait ça, se faire photographier avec les grandes personnalités les plus célèbres du monde. Là. Ah, ben c'est incroyable. Vous savez, il y a eu une exposition au Musée McCord, hein, les archives du grand Antonio. Je pense que c'est Mme Élise Gravel qui avait donné les archives d'autres personnes. Puis on a retrouvé des photos, là. Ça, c'est pas de la frime, comme on dit chez nous, là. C'est les plus grandes vedettes de l'époque, là, qu'on le voit avec en compagnie de Maurice Richard, bien sûr, mais Michael Jackson, Clint Eastwood, Mohamed Ali, Pavarotti, Lisa Minnelli, Alain Delon. Donc, il faut dire qu'il écrivait... Il écrivait lui-même à tous ces grands de ce monde. C'est ça qui est intéressant. Il écrivait au monde sur du papier avec son propre en tête. Hein, et il écrivait, il sollicitait ces rencontres-là. Ouais. Et c'est ça qui était particulier chez le grand Antonio. Et visiblement, on acceptait ses demandes, ses invitations. Oui. Vous parliez de sa carrière de lutteur professionnel. Là aussi, en préparant l'émission, je suis tombé sur des archives où on dit très clairement que c'est lui-même là, qui essaie de faire sa propre promotion. Il se promène un peu partout aux quatre coins du Québec. Parlez-moi de ça. Quel genre de carrière de lutteur il va avoir, le grand Antonio Hugues Théoret? Ben, je vous dirais qu'il va avoir une carrière de lutteur un petit peu en deux temps. Une carrière de lutteur sur la scène internationale qui va, dans les années 70, qui va l'amener dans les quatre coins du monde. Bon, au Canada, il va se faire connaître d'ailleurs en 71 à Calgary au Stampede Wrestling où on avait quand même de grands lutteurs très connus internationalement. Il va avoir un combat qui est interrompu par une émeute générale, paraît-il. Et ensuite de ça, il va avoir une invitation dans les années 70-80. Il va combattre au Japon. Là, il va combattre devant quand même de grands lutteurs de l'époque, comme Rick Dozan, un autre Antonio Inoki. Mais il n'y aura pas de grand succès, pour être honnête. Là. Mm-hmm. Lui, il va faire beaucoup de publicité avec ça. Il va revenir avec des dépliants, tout ça. Puis il va faire lui-même, après ça, quand il est revenu au Canada, dans les années 80, il va lui-même faire 70-80, il va faire lui-même la promotion de ses tournées de lutte. Et là, il va se retrouver dans les arénas. Ouais. Désolé, il va se retrouver dans des... Il y a des gens que je connais qui ont vu le grand Antonio. Hey, moi, je l'ai déjà vu à Hull. D'autres personnes l'ont déjà vu. Donc, il va faire des petits galas de lutte pour arrondir les fins de mois. Mais il était déjà déjà, il faut le dire, à un âge un peu avancé à l'époque. Donc, il y aura une carrière qui va être de lutteur qui va être, somme toute, assez éphémère. Ouais. Et ça, c'est déjà le déclin, donc, ces années 80 où il fait les arénas un peu partout au Québec. Mais revenons à la vedette qu'il est. L'âge d'or, c'est probablement les années 60. Peut-être un petit peu, on déborde probablement un peu sur les années 70 aussi. Grande vedette qui l'amène sur les plus grands plateaux de télévision, dont celui, c'est pas rien, de Johnny Carson aux États-Unis. Great Antonio. Canada. You got special boots, too. Have special what? Boots. Special boots? Size 28. Size 28. You have to have these special made. These are aren't off the rack, are they? Cost $250. They cost $250. A pair. Well, that's a big boot. Hey, Mark, you tie him up. Can I get into this? Sure, I'll try a boot. I don't believe this. Huh? Now that's a little strange. You could jump in here and have a house party. Donc, dans les années 80, c'est assez formidable ce qu'on vient d'entendre, son passage chez Johnny Carson. Dans les années 80, c'est ça, le grand Antonio. C'est un passage chez Johnny Carson. Mais d'autres grands plateaux, là, d'autres grands plateaux de télévision américains vont l'accueillir. Exactement. Puis vous voyez, c'est à peu près le meilleur invité qu'on peut avoir pour une émission de variété, parce qu'il donnait le show, il volait le show. Là, on peut l'entendre à Ed Sullivan Show. Puis il a participé aussi au Tonight Show, l'émission Real People. Puis vous allez rire, mais plus près de nous, dans les années 80, il a participé à l'émission de variété à l'eau boubou, qui était populaire au Québec aussi. Donc, il est sur tous les plateaux. C'est intéressant, ça, c'est en 84. D'ailleurs, il va prendre l'animateur Jacques Boulanger sur son épaule comme un sac de pommes. Là, je veux dire, c'est assez impressionnant. C'est un petit peu drôle à voir. Parce que, comme on l'a dit, M. Daou l'a dit, il va participer à... Il va avoir quelques rôles au cinéma. Hein? Bon, on a mentionné La guerre du feu en 1981. Aussi, bon, 20th Century Chocolate Cake en 83. Là, et aussi L'abominable Homme des neiges. Mais moi, je le vois, c'est drôle. Dans les années 80, il se recycle comme acteur. Ouais. Puis il perce l'écran un peu comme... Drôle de comparaison, vous allez dire, mais un peu comme Arnold Schwarzenegger, c'est son physique qui l'a aidé à se procurer des rôles à l'écran, Conan le barbare, tout ça, parce qu'on va se le dire, Arnold était meilleur culturiste qu'acteur au début, mais c'est un peu le même phénomène pour le grand Antonio, qui était tellement impressionnant, tellement intimidant, puis tellement unique comme personnage, qui va avoir quelques rôles, mais disons-le, là, c'est pas des rôles qui vont le rendre millionnaire, loin de là. Oui, mal entouré, mal, vous disiez, il se représente lui-même, s'il avait un meilleur agent, peut-être qu'il aurait fait plus d'argent, mal orienté, peut-être comme carrière, parce que je vous écoute, puis vous me dites, bon, c'était pas un grand acteur, c'est son physique qui fait qu'il y a eu des rôles, puis j'entendais en préparant l'émission quelqu'un du monde de la lutte dire, c'était un homme fort, mais c'était pas un lutteur non plus. Non, c'était pas un lutteur non plus, puis on regarde la stature, là, je veux dire, c'était, oui, il était puissant, il était très, très fort, mais il n'y avait pas un corps athlétique à la Hulk Hogan ou à Arnold Schwarzenegger, il n'a pas fait de lutte, mais je pourrais nommer d'autres noms, là, d'autres lutteurs. Il n'y avait pas les qualités athlétiques, désolé, pour être un lutteur, tu sais, monter sur la troisième corde ou je ne sais pas trop, pour faire des sauts, etc. Mais il va quand même avoir, bon, certains succès parce qu'il faisait le rôle du gros méchant, un peu comme le géant Ferré. Là. C'est ici que le grand Antonio s'est éteint dimanche soir. Il était assis sur ce banc. La caissière qui était ici, moi, j'étais à côté. Il a demandé de la loterie, comme d'habitude, il demande toujours de la loterie. Puis, elle s'est revirée de banc, il avait les yeux fermés, elle pensait qu'il dormait. Là, finalement, c'est ça, moi, je suis allée voir. Je suis passée à côté, j'ai tapé des mains, j'ai dit « Antonio, réveille-toi ». Puis finalement, j'ai touché, puis il était froid. Là. Ce Montréalais d'adoption s'est fait connaître dès les années 50 en tirant des voitures avec ses cheveux. Il s'est rendu célèbre en établissant un record de tirer 4 autobus remplis de passagers. Et viva Boubou! Bravo! Avec les années, il était devenu un personnage folklorique, apparaissant dans diverses émissions de variété et se faisant souvent photographier avec des célébrités de passage, comme ici avec Mère Teresa. Mais depuis quelques années, il était de plus en plus marginalisé. Depuis un an et demi, il ne rentrait plus à l'intérieur. Il y avait certaines plaintes vis-à-vis de lui. Là. Mais c'était une très bonne personne, puis ça m'a dérangé de... Avant sa mort, il collaborait à une exposition sur lui, organisée par le Centre d'art Quartier éphémère, et qui débutera le 21 octobre. Anton Baryshevich, qui était né en Yougoslavie, n'avait pas de famille connue. Si personne ne réclame sa dépouille d'ici 30 jours, le grand Antonio sera sommairement inhumé par le bureau du coroner dans un cimetière de Laval. Jean-Hugues Roy, Radio-Canada, Montréal. Donc, c'est sur un banc de parc en septembre 2003 qu'est retrouvé le grand Antonio. Hugues, tu restes assez triste, cette fin-là. Les dernières années de sa vie, de fait, sont assez tristes. Ils sont très tristes. Écoutez, quand, bien, on l'a dit, là, dans, à la fin de sa vie, les années 90, il sombre dans l'itinérance. On le voit, il est toujours sur la rue Beaubien, assis sur un banc devant le Dunkin' Donut, pas le nommé. Ou dans le parc Beaubien. Puis c'est drôle parce que on dit que son adresse de retour de correspondance était la baignerie, là, le Dunkin' Donut sur Beaubien à l'époque. C'est juste pour montrer comme quoi. On raconte que bon, sa petite amie qui l'a, sa conjointe l'avait laissé, puis ça l'a rendu très, très triste et tout ça. Puis ça a peut-être contribué au fait qu'il est tombé dans l'itinérance. C'est une possibilité, mais en tout cas, 2003, oui, il est décédé d'une crise cardiaque, sans parents connus. C'est l'organisme Jeunesse au Soleil qui a permis d'organiser un enterrement décent. Il y a 3000 personnes qui assistent à ses funérailles quand même, il faut le faire. Et là, il va avoir des gestes après sa mort. Bon, peut-être que vous avez vu en 2004, le sculpteur Armand Vaillancourt va offrir une statue en mémoire du grand Antonio pour qu'elle soit installée dans le parc Beaubien où il avait passé presque toute sa vie. On va refuser. Puis finalement, 10 ans plus tard, donc plus récemment, en 2015, la Ville de Montréal va inaugurer au parc Beaubien. J'invite les gens à s'y rendre pour voir ce banc. Un banc orné d'une plaque commémorative en souvenir du grand Antonio. Donc, c'est à peu près le seul héritage qu'il nous a laissé, plus toutes les photographies, les coupures de presse, et les cartes postales, parce qu'à la fin de sa vie, il vivait de cela. Il y avait des cartes postales, des photos qu'il dédicassait pour 2 $, 3 $ là, sur la rue comme ça, afin de permettre de survivre. Donc, triste fin pour un grand personnage qui a quand même eu, il faut le dire, une carrière internationale, un rayonnement international, même s'il n'a pas eu un grand succès comme d'autres lutteurs, d'autres boxeurs, d'autres hommes forts qui, eux, ben, ont été plus heureux en affaires et qui se sont mis millionnaires. Oui. Et qui a fait partie vraiment pour en tout cas, toute une génération de la culture populaire québécoise. Ça, c'est indéniable. On connaît cette figure-là. Beaucoup de nos auditeurs savent très, très bien de qui on parle. Hugues Théoret, c'était un bonheur de vous recevoir à cette émission. Professeur d'histoire et ami de l'émission. Merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup. Au revoir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Fortissimo, comme disent les chevaux stars de Tokyo. Agatino, on my photo, give me some dough. Le grand Antonio, Antonio Barikevich, Barikevich. Fortissimo, comme disent les chevaux stars de Tokyo. Agatino.